de bon matin ou ka passe si mwen. Pas même un petit coup de pied pour moi. Ou te dit nous séparer, fâché, que histoire nous. J'ai effacé, est-ce que t'es vle que moi crie ou? Est-ce que t'es vle que moi siffle ou? Et commencez conquête à vous, et commencez parler, bah vous. Est-ce vous? Est-ce moi? Est-ce fort tout? Est-ce fort moi? Même au néant nous chacha viré, mais pas expliquer ça qui passe. Est-ce vous? Est-ce moi? Est-ce fort tout? Est-ce fort moi? Même au néant nous chacha viré, mais pas expliquer ça qui passe. Wow. Partager tant de mises et tant de petits secrets. En minute, j'en m'ai passé. Sans nous garder, sans nous toucher. Toi, si je bonnet en nous chaper. Histoire en nous dans le passé. Ou que si nous pas jamais connaître. Quel avant nous, j'ai existé. Est-ce vous? Est-ce moi? Est-ce fort tout? Est-ce fort moi? Mais bonnet en nous cherche à virer. Peut pas expliquer ça qui passe. Est-ce vous? Est-ce moi? Est-ce fort tout? Est-ce fort moi? Mais bon néant nous cherche à virer, peut pas expliquer ça qui passe. Dis-moi c'est moi ça, yeah, yeah. Est-ce fort tout, est-ce fort moi? Mais bonnet en nous cherche à virer, peut pas expliquer ça qui passe. Est-ce vous, est-ce moi? Est-ce fort tout, est-ce fort moi? Mais bonnet en nous cherche à virer, peut pas expliquer ça qui passe. Non. Pas expliquer ça qui passe, c'est assez fou, assez moins, assez fort.